ce signal avancé indique qu'à l'intersection, il faudra marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite.